Dans sa cabine au milieu de rien, elle regarde filer les voitures. C'est pas grand chose mais elle aime bien, ça fait passer le temps qui dure. De tout là où elle est, des visages fermés en retard, des mines sûres de leur monnaie, des yeux perdus souvent hagards. Lupita, dans sa cabine sur l'autoroute, elle rêve. Elle baissera la barrière pour de bon. Elle mettra fin à sa carrière à la con. Elle voit les autres partir au chaud, ceux-là revenir plein de soleil, et lui qui tracte son bateau, et eux qui partent en lune de miel. Coincée sur son trop vieux fauteuil, elle se voit pas bien finir là, qu'un prince charmant vienne et l'accueille. Et Lupita, seule sur l'autoroute, elle rêve. À la barrière pour de bon, elle mettra fin à sa carrière à la con. Décapoté dans une belle grosse voiture blanche, un sourire à tout faire péter, et tous les jours ce sera dimanche. Et en guise de cadeau d'adieu, elle jettera devant la barrière tout ce qu'il faut pour crever des pneus, à chacun sa galère. Sa cabine, Lupita, elle rêve. Un jour elle baissera la barrière pour de bon. Elle mettra fin à sa carrière à la con. Un jour elle baissera la barrière pour de bon. Elle mettra fin à sa carrière à la con.